بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous allons parler, inshallah, de comment doit agir le musulman lorsqu'il y a une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire, et qui ne doit pas être insouciant. Et l'éclipse du soleil eut lieu seulement une fois à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une seule éclipse du soleil et aucune éclipse de la lune n'a été rapportée. Et quant à, est-ce qu'on dit Khusuf en arabe, Khusuf bil kha ou bil kaf, c'est venu les hadiths concernant l'éclipse du soleil, c'est venu avec le terme Khasafa et Kasafa. Donc il n'y a pas de problème à utiliser l'un ou l'autre, que ce soit pour le soleil ou la lune. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui a dit: nous étions auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le soleil fut éclipsé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se leva en traînant son hizar jusqu'à ce qu'il entre au masjid. Nous y entrâmes et il nous dirigea dans une salat de 2 raka'a jusqu'à ce que le soleil réapparut. Il dit: Inna shamsa wal qamar layan kasifan, limoti ahad. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَدْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. Donc il a dit: le soleil et la lune ne s'éclipsent pour la mort de quiconque. Alors lorsque vous les voyez, priez et invoquez jusqu'à ce qu'ils réapparaissent. Et Al-Bukhari rapporte également d'après Al-Mughira ibn Sha'ba, radiyallahu anhu, qui a dit: le soleil s'est éclipsé à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la mort d'Ibrahim. Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont dit: le soleil s'est éclipsé à cause de la mort d'Ibrahim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: Inna shamsa wal qamar la yankasifan li mauti ahad wa la li hayati. Fa idha ra'aytum fasallu wa du'u Allah. Le soleil et la lune ne s'éclipsent pour la mort ou la vie de quiconque. C'est-à-dire ni pour la naissance d'une personne ni pour la mort d'une personne, car les Arabes à la Jahiliya, ils pensaient que lorsqu'une personne importante mourait ou qu'elle naissait, il y avait une éclipse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié ça. Et le fait que c'est un signe d'Allah, azza wa jal, et comme on va le voir après, pour faire peur à ses serviteurs. Et ce n'est pas par rapport à la mort de quiconque ou la vie de quiconque. Donc lorsque vous voyez, priez et invoquez Allah. Et également le fait que il faut appeler à cette salat comme l'adhan des cinq salats. Il y a une façon d'appeler à cette salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme rapporté dans le Bukhari, d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, qui a dit: lorsque le soleil fut éclipsé à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fut appelé Inna salat jami'a. Et c'est venu également à salat jami'a. Donc, la salat ensemble, en groupe. Donc, le muaddin appelle par cette phrase. Il n'y a pas d'adhan comme les cinq salats. Mais c'est avec cette phrase qu'il appelle à ce que les gens se regroupent pour prier Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Al-Bukhari et Muslim rapportent également de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, qu'elle informa que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria le jour de l'éclipse solaire. Il se mit debout et fit le takbir, puis récita longuement. Al-Bukhari rapporte d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il a dit comme la récitation d'Al-Baqarah, puis fit une longue inclinaison, puis releva la tête et dit « Sami Allahu liman hamida » donc qu'Allah entende celui qui le loue, et il se remit à réciter longuement, c'est-à-dire après son recours, après son inclinaison, il s'est remis à réciter. Donc la Fatiha, plus une récitation après. Il se remit à réciter longuement, mais moins que la première récitation. Puis il s'inclina longuement, mais moins que la première fois, donc une deuxième inclinaison, un deuxième recours. Puis il se prosterna longuement, puis il fit la même chose, c'est-à-dire les deux prosternations. Lorsqu'ils disent il se prosterna longuement, c'est-à-dire deux, comme dans les autres raka'a de tout salat. Puis il fit la même chose dans la deuxième raka'a. Puis il salua alors que le soleil était réapparu. Puis il sermonna les gens et dit à propos des éclipses de la lune et du soleil: innahuma ayatani min ayatillah la yakhsifani li mawt ahad wa la li hayati fa idha ra'aytumuhuma fafza'u ila as-salah. Ce sont deux signes parmi les signes d'Allah, et ne s'éclipsent pour la mort ou la naissance de quiconque. Donc lorsque vous les voyez, pressez-vous à la salah. Donc il a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller à la salah pour ce signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jal. Et dans les deux sahihs que Aïcha a dit, je n'ai jamais fait de prosternation plus longue que ça. Et dans le hadith de Jabir ibn Abdillah dans Muslim, il dit, il allongea la position debout au point où ils se mirent à tomber. Et dans Muslim, le hadith de Asma bint Abi Bakr, radiallahu anhuma, qui a dit, j'ai eu envie de m'asseoir. Je vis alors une femme faible et je me dis, celle-ci est plus faible que moi. Et je restais debout. Et dans le hadith d'Abu Moussa dans Muslim, qui a dit, le soleil fut éclipsé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se mit debout apeuré, craignant que ce ne soit l'heure, jusqu'à ce qu'il arrivât au masjid. Il se mit à prier longuement, debout, incliné et prosterné. Je ne l'ai jamais vu le faire dans une autre salah. Et dans une version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا. Donc il a dit, le soleil et la lune sont parmi les signes d'Allah et ils ne s'éclipsent pour la mort ou la naissance de quiconque. Donc lorsque vous les voyez, faites le takbir, dites Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et invoquez Allah et priez et faites des aumônes. Ô communauté de Muhammad, il n'y a personne plus jaloux qu'Allah dans le fait que son serviteur fornique ou que sa servante fornique. Ô communauté de Muhammad, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez beaucoup et vous ririez peu. Et dans une version qu'il leva les mains en disant « Allah al-Ballart, ai-je transmis ?» Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ajoute dans son hadith, il dit « Ô messager d'Allah, nous t'avons vu prendre quelque chose de ta place, puis nous t'avons vu revenir en arrière. » Il dit « Inni ra'aytul jannah, fatanawaltu unqudan. » وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْذَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْضَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. J'ai vu le paradis et j'ai voulu prendre une grappe de fruits. Et si je l'avais prise, vous en auriez mangé tant que l'ici-bas perdure. C'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, on en aurait mangé. Subhanallah. Et on m'a montré l'enfer. Et je n'ai pas vu, et je n'ai rien vu de pire, de plus effrayant que ce que j'ai vu aujourd'hui. Je n'ai jamais vu plus effrayant que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai vu que la majorité de ses habitants, c'est-à-dire l'enfer, étaient les femmes. Ils dirent, à cause de quoi, messager d'Allah ? Il répondit, bikufrihin, par leur mécréance ou leur ingratitude. Le kufr peut être compris l'ingratitude ou la mécréance. Ils dirent, elle mécroit en Allah. Il répondit, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullah thumma ra'at minka shay'a qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Elles sont ingrates envers le mari et elles sont ingrates envers la bonté ou la bienfaisance qui est faite envers elles. Si tu fais le bien à l'une d'entre elles toute ta vie, puis qu'elle voit de toi une chose, elle dit, j'ai jamais vu de toi le moindre bien. Et dans le hadith d'Abu Moussa, radiallahu anhu, dans les deux sahihs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna hadhihi al-ayat allati yursilu Allah la takunu limut ahad wa la li hayati walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadah فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. Ces signes envoyés par Allah ne sont dus à la mort ou à la naissance de personne, mais Allah les envoie afin de faire peur à ses serviteurs. Lorsque vous voyez de ces signes, réfugiez-vous en faisant son rappel, en l'invoquant et en lui demandant pardon. Subhanahu wa ta'ala. Et dans une version du hadith de Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'une juive va l'interroger. Et elle dit qu'Allah te préserve du châtiment de la tombe. Aïcha interrogea donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont-ils châtiés dans leur tombe ? Il répondit, « A'idan billahi min dalik. » qu'Allah préserve de ça. Puis lorsqu'il pria la salat de l'éclipse, il sermonna les gens, puis leur ordonna de demander protection contre le châtiment de la tombe. Et dans le hadith de Jabir, radiallahu anhu, dans Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min shay'in tu'aduna illa qad ra'aytuhu fi salati hadi laqad ji'a bin nar wa dhalikum hina ra'aytumuni ta'akhart makhafata an yusibani min nafhiha wa hatta ra'aytu fiha sahib al mihjan yajurru quzbahu fi nar كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الحرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إلي ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. Il n'y a rien qui vous est promis sans que je ne l'ai vu dans ma salat, la salat qu'il avait faite, c'est-à-dire salat al-kusuf. L'enfer a été apporté. C'est à ce moment que vous m'avez vu reculer, de peur que son souffle ne m'atteigne. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a montré dans cette salat l'enfer. J'y ai vu l'homme au crochet traîner ses boyaux en enfer. Il volait le pèlerin, celui qui fait le hajj, avec son crochet. Si la personne s'en rendait compte, il disait « mon crochet l'a juste agrippé ». Et si la personne ne faisait pas attention, il partait avec. Et j'ai vu celle qui avait une chatte. Elle l'avait attachée et ne l'avait ni nourrie ni laissée manger les bêtes de la terre jusqu'à ce qu'elle mourût de faim. C'est-à-dire, elle est rentrée en enfer, à cause de ça. À cause de cette injustice envers un animal. De l'avoir attachée sans qu'elle puisse se nourrir elle-même et sans qu'elle la nourrisse. Donc, que dire des injustices envers ceux qu'Allah Zawajal a honoré, c'est-à-dire les enfants d'Adam, alayhi salam. Puis le paradis fut amené, et c'est à ce moment que vous m'avez vu avancer. Et j'ai tendu la main en voulant attraper de ses fruits afin que vous les voyiez. Puis je me décidai à ne pas le faire. Il n'y a donc rien de ce qui vous est promis sans que je l'ai vu dans ma salat. Et dans une version, Ra'aytu Amr ibn Amir al-Khuza'i yajurru quzbahu finnar wa kana awwal man sayyab as-sawa'ib. J'ai vu Amr ibn Amir al-Khuza'i qui traînait ses boyaux en enfer. Il fut le premier à instaurer la sa'iba. Sa'iba, le pluriel de sa'iba. C'est-à-dire, c'est le premier à avoir inventé, innové que tel ou tel animal parmi les bestiaux, ils sont interdits à être consommés et ils sont voués aux divinités. Et il est le premier à avoir transformé la religion d'Ibrahim et de Ismaïl, qui étaient al-Hanifiya, le monothéisme pur. Les gens de Mecca, ils étaient sur le Tawhid. Donc c'est le premier à avoir changé ça et à avoir poussé les gens au shirk pour les aides au billah. Donc dans les hadiths précédents, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné plusieurs choses lors d'une éclipse, qui est un signe d'Allah afin de faire peur à ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus pieux d'entre nous, est sorti de chez lui de peur que l'heure nous vienne. Alors convient-il que nos cœurs soient insouciants? Il a ordonné de prier, d'invoquer, de faire du takbir, de donner des aumônes, de faire de l'istighfar, demander pardon, de faire du dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc il incombe aux musulmans de faire tout ça. Quant à la salat, la majorité des savants voient qu'elle est mustahabba, elle est recommandée et pas obligatoire. Et l'avis juste est qu'elle est obligatoire, de par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'avis parmi les savants de Malik, rahimahullah. Et comment faire salat al-kusuf? C'est deux raka'at, avec dans chaque raka'at, deux récitations et deux inclinaisons. C'est-à-dire, après la première récitation, il faut s'incliner. Et ensuite, lorsqu'on se relève de l'inclinaison, au lieu d'aller se prosterner, il y a une deuxième récitation. Avec dans chaque récitation, Al-Fatiha et une surah ou une partie d'une surah. Et il est recommandé à l'imam de faire une seule khutbah après la salah pour leur rappeler la crainte d'Allah. Alors, ya Abdallah, ne sois pas insouciant lors de ce signe parmi les signes du Seigneur de l'univers. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent tranquilles, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera l'enfer pour ce qu'ils acquéraient. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ceux qui croient et font les bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi à des jardins de délices sous lesquels coulent les ruisseaux. Leur invocation y sera Subhanaka Allahumma, gloire à toi, ô Allah, et leur salutation sera Salam, paix. Et leur dernière invocation sera que la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Et Allah dit, Subhanahu wa ta'ala, وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. C'est la promesse d'Allah, et Allah ne manque pas à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ils ne connaissent que ce qui est apparent de la vie d'ici-bas, et ils sont insouciants envers l'au-delà. Ne réfléchissent-ils pas à eux-mêmes? Allah n'a pas créé les cieux et la terre, ni ce qu'il y a entre eux, si ce n'est par la vérité et pour un terme fixé. Et beaucoup de gens mécroient en la rencontre de leur Seigneur. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Et avertis-les du jour du regret, le jour de la résurrection. Et avertis-les du jour du regret, lorsque l'affaire sera faite. Et ils étaient insouciants et ils ne croyaient pas. C'est nous qui hériteront de la terre et de ce qu'elle contient, et vers nous ils retourneront. Et il dit subhanahu wa ta'ala, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. Le compte des gens s'approche alors que dans leur insouciance ils se détournent. Il ne leur vient pas un rappel de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent en jouant leur cœur distrait. Ça, ce sont les caractéristiques de ceux qui ne croient pas au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Azza wa Jal, وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. C'est alors que la promesse approchera, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se figeront. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous, et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, où vous y rendrez tous. Et Allah Azzawajal dit, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٍ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ. Alors chaque âme viendra, accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela, inattentif, et bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui.